Depuis le temps que j'ai envie de parler de littérature sur cette chaîne YouTube, je crois que depuis le début, j'ai envie de faire cette vidéo. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Telle est la question. J'étais en train de redécouvrir justement ce livre que j'aime énormément. Alors, je sais, on dirait un livre pour enfants, mais en fait, pas vraiment. C'est un livre avec de jolies illustrations et des réflexions philosophiques sur la vie, l'amitié, les erreurs, les échecs. Et c'est un livre qui fait beaucoup de bien à lire. C'est la rencontre entre un panda et un petit dragon qui sont deux amis. Dépêche-toi, s'impatienta petit dragon. Nous avons tant de choses à faire. La rivière ne se dépêche pas. Pourtant, malgré tous les obstacles qu'elle rencontre, elle parvient toujours à destination. C'est beau. Ça aide à relativiser, à réfléchir. Le temps que l'on passe à ne rien faire n'est jamais perdu. Ça, c'est une phrase pour moi parce que je culpabilise toujours de ne rien faire. J'ai l'impression que je perds du temps. Alors que non, on a besoin de moments où on ne fait rien. Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo où je suis ravie de vous parler de littérature française. On a tous essayé de lire dans une langue étrangère. Moi, j'ai essayé de lire en anglais et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce qui m'a démotivée et qui a fait que j'ai abandonné. Donc, dans cette vidéo, je vais partager tous mes conseils pour commencer à lire dans une langue étrangère. Et bien sûr, je partagerai des recommandations de lecture pour les débutants, les niveaux intermédiaires et les niveaux plus avancés. La sélection de livres, elle est là. Je vous préviens, cette vidéo va être longue. Il n'y a que les vrais abonnés motivés qui resteront jusqu'au bout de la vidéo. Et tant mieux parce que à la fin, je vais te dire le livre que tout le monde peut lire et que tout le monde doit lire en français. Mon premier conseil, si tu veux commencer à lire en français, c'est qu'il faut déjà avoir un niveau intermédiaire. Si tu es plutôt débutant, privilégie les courts extraits. Ou alors les livres comme celui que je t'ai montré avec peu de texte et des images. Je vois que beaucoup de professeurs recommandent de lire des livres pour enfants. Bien sûr, tu peux, mais c'est vrai que personnellement, moi, ça ne me passionne pas. Alors oui, c'est plus facile à comprendre, les intrigues ne sont pas très compliquées et le vocabulaire utilisé non plus, mais ça ne me motive pas parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais après, chacun fait comme il veut, ça peut être aussi une bonne idée. Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur aussi de commencer par les grands classiques comme Victor Hugo, Émile Zola, Flaubert. C'est ambitieux, c'est courageux, mais c'est pas vraiment une bonne idée parce que ce sont des grands classiques. Et ils sont très complexes, tant par l'intrigue que par le vocabulaire utilisé, la longueur des phrases. Donc tu pourrais vraiment être découragé. Même nous, les natifs, nous pouvons être découragés face à Madame Bovary ou Les Misérables, honnêtement. Donc choisis un livre qui t'intéresse vraiment, tout simplement. Regarde bien le résumé, la quatrième de couverture. Feuillette-le également. Choisis une thématique qui te parle, qui te plaît. Je vais uniquement vous parler des livres qui moi, m'ont vraiment plu. Un livre qui m'a vraiment plu et que je recommande, c'est celui-là. Il s'appelle La Tresse et il est écrit par Laetitia Colombani. On va suivre le destin de trois femmes. Une vit en Inde, l'autre vit en Sicile et la dernière vit au Canada. Elles ont toutes les trois des vies très différentes et elles évoluent dans des cultures opposées. Mais elles sont toutes les trois ambitieuses et elles ont un désir de s'en sortir, une volonté de transgresser les règles. Mais la thématique du livre, c'est la chevelure, la tresse. Elles vont être reliées par ça. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à découvrir ce roman qui est un best-seller, qui a été traduit dans des dizaines de langues. Il a conquis le monde entier. C'est une petite pépite, honnêtement. Une autre chose à garder en tête, c'est que la majorité des romans sont écrits au passé simple. Le passé simple, ce n'est pas un temps qu'on utilise à l'oral. Il est réservé à l'écrit. C'est pour ça que, par exemple, moi, en tant que professeur, je ne l'enseigne pas. parce qu'il n'est pas utile pour communiquer. Donc tu pourrais être déstabilisé de rencontrer du passé simple dans des romans. Mais franchement, le passé simple, c'est pas très compliqué. Par exemple, le verbe penser, c'est je pensais. Il y a quelques irréguliers, comme le verbe être, je fus. Mais une fois que tu les connais, ces irréguliers, la lecture est plutôt facile. Ce n'est pas un obstacle infranchissable. Dans celui-là, il y a un mélange d'imparfait, de passé simple et de présent. Il s'appelle Stupeur et tremblement et il est écrit par Amélie Nothomb, qui est une auteure contemporaine très célèbre, très populaire. Elle vend beaucoup de livres et j'aime beaucoup la façon dont elle écrit. Et surtout ce roman qui est autobiographique. Elle raconte comment elle a intégré une entreprise japonaise et toutes les déceptions qu'elle a rencontrées, les humiliations qu'elle a subies parce qu'elle n'avait pas les bons codes culturels. Donc elle a vraiment eu un choc. Ça a été très difficile pour elle de s'adapter dans cette entreprise. Donc elle raconte son ressenti, son vécu, son histoire. Je vous recommande d'avoir un niveau B2 minimum pour vraiment profiter de cette lecture. Un autre conseil, les amis, évitez les romans trop descriptifs. Si vous ouvrez un roman d'Émile Zola, j'en ai un d'ailleurs par là. Où est-il ? Ah, j'ai un Flaubert, encore mieux. Un livre sur lequel j'ai travaillé, comme vous pouvez le voir. Il y a des descriptions de 4 pages. 4 pages pour décrire un paysage, un vêtement, donc beaucoup de mots complexes, nouveaux, auxquels tu vas être confronté. Alors c'est très bien pour améliorer son vocabulaire, mais c'est vraiment décourageant. Même pour moi, honnêtement, c'était trop. Privilégie les livres avec des dialogues. Ça, c'est important. Les dialogues, on en retrouve beaucoup dans les romans contemporains. Par exemple, ceux de Guillaume Musso, que je recommande fortement. Guillaume Musso, c'est l'auteur le plus vendu en France. Il est là. Parce qu'il fait des livres assez faciles à lire, avec des intrigues qui sont captivantes et beaucoup de dialogues. Voilà, j'ouvre une page au hasard. Il y a beaucoup de dialogues. Donc forcément, une conversation comme ça, c'est plus facile à comprendre que 4 pages de description d'un paysage. J'en ai 2 de Guillaume Musso, mais il en existe pléthore. À toi de choisir l'intrigue, encore une fois, qui t'intéresse le plus. Celui-là, c'est un appartement à Paris, donc ça peut être pas mal parce que ça se passe à Paris. Et de mémoire, celui-là se passe à New York. Ce roman est dangereux. Une fois ouvert, vous ne pourrez plus le quitter avant la dernière page. Vous êtes prévenu. Une chose qui est importante aussi, c'est d'utiliser des outils qui vont t'accompagner et t'aider à comprendre les textes que tu rencontres, les mots nouveaux et à les traduire. Et pour ça, j'aimerais te parler de Link, qui est l'application créée par Steve Kaufman. Je ne vous présente plus Steve Kaufman, tout le monde le connaît sur YouTube et j'ai eu la chance d'ailleurs de l'interviewer dans une vidéo que je vous mets juste ici. Steve est un polyglotte qui comprend plus de 20 langues. Il a créé cette application qui te permet d'apprendre une langue à partir du contenu que tu aimes. Cette application, elle met l'accent sur l'input, c'est ce que tu lis et ce que tu entends. En plus d'avoir accès à des milliers d'heures de contenu, par exemple des vidéos, tu peux aussi importer du contenu qui te plaît. N'importe quel contenu trouvé sur Internet, ça peut être par exemple un article, une vidéo, un texte. Voilà, je te montre comment j'importe un texte dans Link, ce n'est pas très compliqué. Et ensuite, ça t'offre la possibilité, par exemple, de cliquer sur un mot pour avoir sa définition. De cette façon, tu te crées une bibliothèque personnelle à partir du contenu que tu apprécies. Et ça, c'est vraiment la fonctionnalité qui va changer ton apprentissage du français. Tu peux également suivre tes statistiques afin de voir tes progrès et d'ajuster l'apprentissage. L'application est disponible sur mobile, ce qui fait que tu peux apprendre de n'importe où et n'importe quand. J'ai une offre spéciale pour vous. En utilisant mon code de parrainage, vous bénéficiez d'une remise de 5% supplémentaire sur l'abonnement de 12 mois, en plus des 30% déjà offerts par Link à toute personne qui s'abonne pour 12 mois. et tu peux importer des extraits de texte, ce qui t'aidera à la compréhension. J'aimerais maintenant te parler d'un grand classique, un très très grand classique. Où est-il? Oh non! Bah. Ah! Il est là. Ce grand classique, c'est L'étranger d'Albert Camus. Tu as sans doute déjà entendu ce nom, L'étranger. C'est un roman très célèbre qui a vraiment été traduit dans beaucoup, beaucoup de langues. C'est un grand classique qui est accessible à beaucoup de niveaux parce que les phrases sont simples et courtes. En plus, c'est un roman philosophique qui traite de l'absurde, de l'absurdité de la vie à travers un personnage qui s'appelle Meursault. Si tu as envie de lire un classique et d'approfondir tes connaissances, celui-là, il est parfait. D'ailleurs, je vous proposerai bientôt une lecture et une analyse d'un extrait de ce roman. J'espère que ça vous plaira. J'ai un autre conseil pour toi, c'est de t'appuyer sur les œuvres cinématographiques de ces romans. Parce que souvent, ils ont été adaptés au cinéma. Et ça, c'est vraiment pratique pour rentrer dans l'univers du roman. Se familiariser avec l'époque, avec les personnages, avec la façon de parler et avec l'intrigue, bien sûr. Donc pourquoi pas regarder d'abord le film et ensuite lire le livre ou faire les deux en parallèle. Je pense par exemple à l'auteur Marcel Pagnol, qui a écrit beaucoup de livres sur le thème de la Provence, le sud de la France, parce que c'est là où il a grandi. Donc il raconte son enfance dans cette région-là. Un de ses romans autobiographiques le plus célèbre, c'est La gloire de mon père. C'est pas vrai de tout perdre comme ça. Ah, il était devant mes yeux. La gloire de mon père, il y a aussi Le château de ma mère, la trilogie Fanny, César, Marius, et mon préféré, c'est Jean de Florette et Manon des Sources. L'adaptation cinématographique, elle est magnifique. Obligé, tu vas verser une larme. Donc si tu as envie de lire un livre de Pagnol, regarde le film aussi. Il n'y a que des bénéfices. La lecture sera d'autant plus facile après le visionnage du film. Cette vidéo est longue, hein. J'espère qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui sont toujours là. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, j'aimerais quand même parler un petit peu de poésie française. La poésie, c'est bien si t'as pas le courage de rentrer dans un roman, dans une histoire, ce que je comprends. Une poésie ne t'engage pas de la même façon. J'aime particulièrement ce recueil, qui est un mélange de poèmes de Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, sur le thème du voyage. Ça parle de la vie de bohème, des poètes maudits. Il y a aussi dans celui-là des questions de compréhension et une aide à la lecture, ce qui est vraiment bien. J'aimerais tellement analyser un poème avec vous en vidéo. Par exemple, Rimbaud, rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir, par la glace, grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces, de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra dans le cou. Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Il y a aussi des photos, des illustrations. Lisez de la poésie. Lire un poème chaque jour, le prononcer à voix haute, essayer de faire rimer les mots, de respecter le rythme, ça va vraiment développer ta capacité à prononcer, à rythmer les phrases. Que des bénéfices avec la poésie, toujours. Et enfin, le dernier roman qu'il faut absolument lire et que tout le monde doit lire, même si t'as pas le courage de le lire en français, lis-le en espagnol, lis-le en anglais, lis-le dans n'importe quelle langue, mais lis-le. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Que tu sois un enfant ou un adulte, Le Petit Prince est adapté. Parce que chacun peut créer sa propre interprétation et son niveau de lecture par rapport à son âge et à son niveau de compréhension du monde. Parce que ce Petit Prince, c'est avant tout un conte philosophique. Il voyage de planète en planète pour rencontrer des personnages qui vont lui transmettre une leçon de vie. C'est une petite merveille, ce livre. Il y a un peu de passé simple, mais rien de très compliqué. Les dessins sont magnifiques. C'est un immense classique. Dites-moi si vous seriez intéressé par une petite analyse du Petit Prince ou une lecture. Là, il rencontre l'allumeur, L'allumeur, c'est quelqu'un qui, tous les jours, allume le réverbère, mais sans aucune raison, il ne sait pas pourquoi il le fait. Et ici, il y a écrit « Je fais là un métier terrible ». Donc ça, c'est la planète de l'allumeur de réverbère. Il y a aussi le comptable, celui qui compte tout. En quelque sorte, tous les problèmes de la société sont représentés dans Le Petit Prince. Tu peux aussi le trouver en version bilingue, par exemple une page en français et la traduction en anglais de l'autre côté, ce qui peut être vraiment pratique. J'en ai encore quelques-uns, mais j'ai pas le temps de vous en parler, sinon la vidéo va être interminable. Et peut-être qu'une partie 2 pourrait être intéressante avec d'autres recommandations. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette idée. J'espère que ce voyage en littérature française vous a plu et vous a donné envie de lire, au moins d'en découvrir un. Ce qui est déjà énorme. Dites-moi également quel est le roman que vous avez lu en français, que vous avez aimé, qui vous a donné envie de connaître la littérature française. J'ai vraiment hâte de discuter avec vous de ce thème-là en commentaire et d'avoir votre retour. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, lisez bien. Salut !